1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand a choisi de partir pour la Chine cet après-midi, l'occasion de revenir sur la révolution culturelle. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Dans la phraséologie du Parti communiste chinois, il s'agit de la grande révolution culturelle prolétarienne, une sorte de révolution dans la révolution, orchestrée par Mao en personne, afin, vous allez le voir, de consolider son propre pouvoir. C'est une très grande purge pleine d'excès et de violence que cette révolution culturelle, animée par la jeunesse, par des millions d'étudiants et de lycéens mués en terrifiants gardes rouges et fanatisés ou en tout cas soutenus par le petit livre rouge. Je vais vous rappeler les faits qui se sont déroulés en Chine il y a moins de 50 ans, des faits inouïs, tellement éloignés de ce que l'on nous dit actuellement de la Chine. Puis, nous reviendrons sur toutes sortes d'aspects méconnus de cette révolution culturelle, avec un connaisseur de ce pays continent, l'écrivain Serge Bramley. Enfin, je devance votre intervention, chère Céline, à l'issue de l'émission, je répondrai à la question d'Adeline sur les origines du passeport. Pour le moment, notre visa porte le sceau de la Chine maoïste. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans les régimes totalitaires où domine l'idéologie, il est souvent difficile, vous savez, de circonscrire les événements historiques à des dates très nettes. Certes, on peut dire de la révolution culturelle chinoise qu'elle commence vers 1966 et qu'elle va sévir essentiellement pendant 2 ans, mais il n'est pas très facile d'en fixer le début et la fin, et l'on peut dire d'une certaine manière qu'elle s'est prolongée 10 années durant jusqu'à la mort de Mao en 76. La dimension idéologique du phénomène lui confère par ailleurs une forte charge de subjectivité. Je crois pouvoir dire que cette révolution culturelle a été un drame humain terrible, mais si vous reprenez dans la presse de l'époque les réactions des observateurs occidentaux, vous verrez qu'elles ont souvent manqué de recul, ces observations et ces analyses. La sinologue Marie Holzmann rappelle notamment que la révolution culturelle a, je la cite, « a suscité en France et dans le monde occidental en général engouement, fascination » et incompréhension. Alors essayons d'échapper à la fascination pour privilégier la compréhension. Quand tout commence, Mao Zedong est le président du Parti communiste chinois depuis plus de 20 ans, depuis 1943. Dans un régime purement politique, ce poste de chef du parti, évidemment, prime sur celui de chef de l'État. Donc Mao est l'homme fort, le seul guide, comme on l'appelle à Pékin, le grand timonier. Mais il n'est pas pour autant à l'abri d'une certaine usure du pouvoir. Eh bien, la révolution culturelle, c'est le moyen qu'il a trouvé de se redonner une jeunesse, si je puis dire. À l'époque, il a 73 ans. Je cite à nouveau Marie Holzmann. « La révolution, dit-elle, provoque la mort et la persécution de millions d'individus au nom de la lutte des classes, des sites historiques, des reliques irremplaçables, des livres et des objets d'art furent systématiquement pillés, brûlés, brisés sous prétexte de se débarrasser des 4 vieilleries, c'est-à-dire des vieilles coutumes, de la culture traditionnelle, des mœurs anciennes et des pensées réactionnaires. » Tout un programme, n'est-ce pas ? On lance ainsi, dit-elle, les enfants contre leurs parents, les étudiants contre leurs professeurs, les ouvriers contre leurs dirigeants, et le peuple chinois tout entier plonge dans un chaos généralisé qui faillit mener le pays à la banqueroute. D'ores et déjà, vous comprenez que ce qu'on appelle révolution culturelle, c'est une révolution contre la culture, en tout cas contre ce que l'on englobe habituellement, comme sous le terme de culture. Les communistes diraient ce qu'on englobe bourgeoisement sous le terme de culture. Alors, pourquoi cette révolution culturelle ? Afin de le comprendre, s'il vous plaît, il faut revenir 6 ans en arrière à l'époque de l'échec du grand bond en avant, c'est-à-dire quand Mao a été désavoué. Depuis 1954, Mao était à la tête de la République populaire elle-même. En 58, il décide de populariser l'agriculture. Faut jamais perdre de vue le fait que Mao est un enfant de paysan aisé. Donc, il lance entre 58 et 60 le grand bond en avant, un processus de modernisation économique articulé autour de la création d'une nouvelle structure, la commune de production. Ça, c'est une belle invention technocratique. Mao lance un programme démentiel de collectivisation agricole par la force, de surindustrialisation et de multiplication des chantiers publics. Tout cela donc par la contrainte, avec des conséquences effroyables. La principale de ces conséquences, c'est évidemment la grande famine de Chine entre 1958 et 1962. Les historiens disputent encore aujourd'hui pour savoir si ce joli programme aura fait plus près de 30 ou plus près de 50 millions de morts. Et je ne parle pas de la somme inquantifiable de toutes les souffrances humaines induites par cette folie. Cet échec, à peu près sans exemple dans l'histoire, est dénoncé par Liu Shaoqi, qui dit à Mao « Avec autant de morts de faim, l'histoire retiendra nos deux noms et le cannibalisme sera aussi dans les livres. » Mao est évidemment dénigré par le comité central du Parti communiste. Il n'a dès lors plus qu'une solution, quitter son poste de président de la République, mais tout en gardant évidemment la tête du parti, à titre honorifique, pour ne pas dire à titre honoraire. Dès lors, le grand timonier n'aura plus qu'une idée, récupérer sa place à la tête du pays pour partir à la reconquête du pouvoir. Il va mener une sorte de combat dans un premier temps souterrain contre Liu Shaoqi. C'est la motivation réelle de cette révolution culturelle de 1966. Alors, la première fois qu'on entend évoquer ce terme de révolution culturelle, c'est en décembre 1964, dans la bouche du Premier ministre, Zhou Enlai, compagnon historique de Mao. Il parle des tâches de la révolution culturelle. L'expression n'est pas chinoise, en fait elle a été forgée par Lénine 40 ans plus tôt. Une fois de plus, on est dans la phraséologie bolchevique. Lénine parlait d'abolir la bourgeoisie et le capitalisme par une longue lutte des classes. Voilà un combat comme Mao les conçoit. Il va s'approprier l'idée de Zhou Enlai. On est en septembre 1965, lors d'un comité central du Parti communiste. Seulement, il n'a pas beaucoup de succès dans cette entreprise et la majorité des membres du parti va s'y opposer. Autrement dit, c'est encore une défaite interne pour Mao, qui outré choisit de se retirer à Shanghai. Il est toujours soutenu par Zhou Enlai ainsi que par Lin Biao, qui dans cette affaire va être un peu le héros, ou si vous préférez, l'anti-héros. Mao, en tout cas, remâche sa colère et prépare sa contre-offensive. Puisque le parti s'est encrouté, eh bien il va le court-circuiter, si vous me passez l'expression. Le mot d'ordre sera le suivant, se débarrasser de tout ce qui est ancien et principalement donc des quatre vieilleries, encore une fois, les vieilles coutumes, la culture traditionnelle chinoise, les mœurs anciennes et, plus grave encore, les pensées réactionnaires. On range ce qu'on veut là-dessous. Au passage, on s'attaque à tous ceux qui bénéficient d'un quelconque avantage. Les fonctionnaires, apparatchiks divers, dirigeants, intellectuels, cadres, même un certain nombre d'ouvriers d'élite. Le 10 mai 1966, le journal Wen Huibao de Shanghai et le journal de l'armée publient un article de Yao Wen Yuan, un article qui dénonce, je cite, « la ligne noire anti-parti, anti-populaire et anti-socialiste au sein même du Parti communiste ». Pas besoin de s'interroger longtemps pour savoir d'où vient l'attaque, bien entendu. L'article affirme, je cite, tous ceux qui s'opposent à la pensée de Mao Zedong, tous ceux qui entravent la marche en avant de la révolution socialiste seront sans exception dénoncés, critiqués et renversés, si célèbres et haut placés qu'ils soient, quel que soit celui qui les dirige et les soutient, et si nombreux que soient ceux qui les flattent. La secousse est donnée, à présent, sauf qui peut. Des envoyés spéciaux, essentiellement des maoïstes du parti, se rendent dans les universités propager la bonne parole, d'abord auprès des jeunes et des éléments dynamiques et révolutionnaires. Ils doivent contribuer à l'écrasement de la réaction armée de la pensée de Mao Zedong. C'est la phraséologie de l'époque. Le 16 mai, une circulaire du comité central appelle officiellement à la mobilisation des éléments les plus révolutionnaires. On n'est plus très loin de l'explosion. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la révolution culturelle en Chine. Et nous repartons avec vous Franck Ferrand en Chine, vous nous parlez cet après-midi de la révolution culturelle. La révolution culturelle est en marche, mais j'ai envie de dire qu'à cette poudrière, il fallait un détonateur. Ce détonateur, ça va être une pièce de Wuhan intitulée « La destitution de Hai Rui ». Wuhan est le maire adjoint de Pékin, c'est un auteur célèbre. Sa pièce est jouée depuis 1961. Elle raconte l'histoire d'un seigneur qui s'efforce de faire rendre aux paysans des terres qui leur ont été confisquées par des fonctionnaires. Un bon seigneur, en quelque sorte, on est au 15e siècle. Pas de chance pour Wuhan, cette histoire ne plaît pas, mais alors pas du tout à Mao. Enfin, un seigneur ne peut pas rêver de justice et s'occuper des intérêts d'une autre classe que la sienne. Les paysans ne peuvent se libérer que par eux-mêmes, par leur propre révolte. Mao estime que l'analyse de Wuhan est incorrecte et il le dit publiquement en septembre 1965, tout en qualifiant l'auteur de révisionniste bourgeois. À travers lui, celui qui est visé, en l'occurrence, c'est Peng Shen, qui est le numéro un du parti à Pékin. La municipalité de Pékin ne souhaite pas que Wuhan réponde à la critique, mais à Shanghai, où réside maintenant Mao, qui est la rivale de Pékin, on demande une réplique de Wuhan. Une bataille dans les journaux s'engage, particulièrement pour les maoïstes, et peu à peu, l'université de Pékin devient le grand théâtre de cette querelle entre les pros et les anti-Wuhan, voyez le climat de tension. Et le 25 mai 1966, une certaine Niye Yuanzi va prendre publiquement parti contre Wuhan. C'est une maoïste étudiante de l'université de Pékin, elle est inscrite à la faculté de philosophie et avec d'autres étudiants, elle descend dans la cour de la fac et tente d'afficher une critique ouverte. Seulement, elle est arrêtée par le secrétaire de l'établissement qui s'appelle Lo Ping. Alors, Niye Yuanzi prend la tête d'une délégation, se rend auprès de Lo Ping avec comme but d'obtenir l'autorisation de manifester contre ce qu'on appelle les révisionnistes de la mairie, entendez les partisans de Wuhan, bien entendu. Elle n'obtient pas gain de cause et dans ces conditions, elle décide de passer outre. Avec 10 de ses camarades, elle peint sur une bande de papier une protestation qu'elle signe avant de coller cette bande de papier sur le mur le plus en vue de l'université. En quelque sorte, c'est le premier d'Azibao, hein, la première, avec une affiche en gros caractère. Quelques extraits de l'affiche. Lo Ping est un collaborateur de la clique noire de Teng Tuo, c'est-à-dire un auteur de recueil de propos antisocialistes, jugé-t-elle par Mao. Si vous pensez entraîner le mouvement de masse dans l'ornière du révisionnisme, vous faites fausse route. Non, nous ne céderons jamais. Et en conclusion, unissons-nous les uns aux autres, brandissons la bannière rouge des pensées de Mao Zedong, groupons-nous autour du comité central du parti et du président Mao et éliminons toutes les traces d'influence des révisionnistes ainsi que leurs trucs et leurs pièges. Résolument, consciencieusement, complètement, sainement, détruisons tous les monstres et les fantômes, tous les anti-révolutionnaires du genre de Khrushchev, qu'il faut vous dire à Moscou vient de triompher au 23e congrès, et portons la révolution socialiste jusqu'à son achèvement. Dès le 2 juin 1966, la radio du peuple de Pékin diffuse le texte de cette affiche. Elle tombe entre les mains de Mao, cette affiche, il se réjouit, et à ses collaborateurs, il dit qu'il la considère comme, je cite, « la première affiche marxiste-léniniste en grand caractère du pays ». Rapidement, Mao va décider de publier ce texte dans le quotidien du peuple, et ensuite ce sera diffusé dans tous les autres journaux du pays. Des millions de jeunes vont alors apprendre par cœur le texte de cette affiche. Ils le réciteront à toute occasion, dans toutes sortes de manifestations, et d'ailleurs, le texte original est placardé à l'université. Vous savez, il a été installé une première fois, il n'en bougera plus. Il va rester là, sur place, pendant de longs mois. Quant au numéro 1 du parti à Pékin, le fameux Peng Shen, il est limogé. Il est la première victime de la révolution culturelle. Oh, ce n'est encore rien. Elle est lancée. Maintenant, cette révolution. Les étudiants de Pékin sont dispensés d'étudier. Ils sont invités à plonger dans le peuple. On est là le 13 juin 1966. C'est le lancement du mouvement des gardes rouges qui vont entretenir l'agitation, si je puis dire. On les appelle les gardes rouges, c'est la couleur de leur brassard. Ils lisent bien entendu le petit livre rouge, vous savez, qui est en quelque sorte le recueil des meilleures citations du président Mao. Alors qui sont-ils, ces gardes rouges? Ce sont des jeunes issus tous des 5 classes prolétariennes. Ils sont sélectionnés de façon plus ou moins arbitraire. Alors on dit à ces jeunes qu'ils peuvent condamner leurs parents, les les étudiants peuvent manifester leur opposition contre leurs professeurs, les ouvriers peuvent s'opposer ouvertement à leurs dirigeants. Bref, on organise une anarchie volontaire, c'est la révolution organisée si vous voulez. Un quartier général est mis en place, contrôlé rapidement par des militants un peu plus âgés, et rapidement on voit se développer partout des manifestations massives. Le 18 août, ils sont déjà 1 million à saluer Mao en brandissant le petit livre rouge sur la place Tiananmen. En tout, ce seront 10 millions de gardes rouges qui vont déferler sur la Chine. Et oui, on est en Chine, il faut toujours imaginer ce que peuvent être les masses humaines. Alors dans un premier temps, Mao va feindre de n'être que le spectateur de cette affaire. Il attend le 16 juillet pour apparaître vraiment. Et là, il va traverser à la nage, à Wuhan, le fleuve Yangtze. Cette nage du grand timonier est annoncée 9 jours plus tard. Elle provoque un enthousiasme indescriptible à travers tout le pays. Ça va même faire des morts, parce qu'il y a des gens qui veulent en faire autant et qui ne savaient pas nager, en l'occurrence. Le 8 août, Mao va publier la déclaration en 16 points, une sorte de charte de la grande révolution culturelle prolétarienne, c'est ainsi que lui-même l'a baptisé. Le maréchal Lin Biao, qui le soutient, grimpe de 5 places dans la hiérarchie du régime. Du numéro 7, il devient le numéro 2. Il est le dauphin de Mao. Zhou Enlai reste pour sa place à la 3e place et il s'attelle à l'économie de la Chine. Les grands programmes vont être relancés. Quant au chef de la République, Liu Shaoqi, il est rétrogradé. Il est accusé de suivre la voie capitaliste. On peut dire que pour lui, c'est le début de la fin. En 1967, il est expulsé du parti avant d'être évincé de la présidence de la République en octobre 68. Liu Shaoqi mourra en prison en 1969 dans de très bonnes conditions, comme vous pouvez l'imaginer. Au cœur de l'histoire, nous sommes en Chine cet après-midi et vous nous parlez de la révolution culturelle, Franck Ferrand. Les gardes rouges ont partout organisé le chaos, si j'ose cet oxymore. La campagne d'affichage est massive. Alors, on a toutes sortes de revendications. Ça fait un peu penser, mais alors dans des proportions infiniment supérieures, à ce qu'a pu être mai 68 à la même époque en France. Par exemple, on demande l'abolition des feux rouges. Car le rouge n'est pas un signe d'arrêt, mais de progrès. Donc il n'est pas question qu'on s'arrête au feu rouge. Au contraire, le rouge doit vouloir dire « en avant, camarade ». Fin 1966, le pays tout entier est touché par la révolution culturelle qui met en cause les structures politiques et administratives de la Chine. Là, quand même, les autorités commencent à s'inquiéter. Mais pour l'instant, on n'agit pas. Le 1er janvier 1967, l'éditorial du quotidien du peuple confirme la volonté des gardes rouges d'étendre la révolution culturelle à tous les secteurs de la société, notamment à l'industrie. Voici un extrait du témoignage de Zhang Shen qui parle des violences perpétrées dans les villages du district de Dao, au Hunan. On est donc dans l'extrême sud de la Chine. Il parle d'une rivière. À sa surface, dit-il, flottaient non pas des bateaux de pêche, mais des cadavres couverts d'œdèmes, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Certains étaient dénudés, d'autres en guenilles, d'autres encore avaient les deux mains liées dans le dos par du fil de fer, les os brisés, les membres amputés. Au milieu d'une épaisse couche cramoisie, des hordes de poissons affamés avaient déjà défiguré les visages jadis animés de sentiments, écrit-il. Il y a un côté très chinois dans son style. À côté d'un temple, des enfants s'amusaient à évaluer leur vue en comptant les cadavres qui flottaient à la surface. Partout, les violences se multiplient. Des miliciens sur le pied de guerre, munis de fusils ou d'armes artisanales, contrôlaient et interrogeaient le passant jour et nuit. À la moindre alerte, ils se saisissaient de leurs sabres ou mettaient le doigt sur la détente et hurlaient « Que faites-vous ici ? À quelle classe sociale appartenez-vous » Puis il questionnait la personne sur son laissez-passer, la fouillait, l'interrogeait minutieusement et si le moindre doute subsistait à son sujet, alors il la ligotait et la torturait pour lui soutirer des aveux. Des aveux de quoi ? Des aveux d'appartenance à la réaction, à la bourgeoisie, au capitalisme, enfin, etc. On est dans une révolution idéologique, mais une révolution sanglante qu'il ne faut jamais perdre de vue, bien entendu. Dans les coulisses de cette révolution, une guerre secrète oppose 2 femmes, Qiang Xing, qui est l'épouse de Mao, bien sûr, et puis Wang Quang-ai, qui est la femme de Liu Shaoqi. Et au début de la révolution, évidemment, les gardes rouges se sont attaqués beaucoup à l'épouse de Liu Shaoqi. On lui reproche son goût du luxe, son élégance vestimentaire. Voici ce que nous dit François Fecheteux. Fin mars 1967, Madame Mao poussa cette campagne jusqu'à ordonner au ministre de la Sécurité d'expulser la famille Liu de sa résidence dans la cité impériale. Zhou Enlai, toujours soucieux de ce que que, même dans les pires affrontements, on respecte les formes, serait personnellement intervenu pour faire rapporter cet ordre et pour réprimander Madame Mao. Mais Madame Mao est là, bien entendu, qui notamment, vous savez que c'est une artiste ratée, elle est très aigrie cette femme, et elle va tout faire pour stopper le développement du théâtre chinois. Sur les 2890 troupes théâtrales qui existaient en Chine, il n'en reste au bout de 2 ans et demi qu'une dizaine, vous imaginez, la purge, si je puis dire. Début 1967, l'agitation est maximale et le retour au calme n'interviendra qu'à l'automne de 1967. La révolution culturelle prend officiellement fin le 31 octobre 68 avec la destitution officielle de Liu Shaoqi. Mao, lui, ne mourra que le 9 septembre 1976. Et alors là, bien sûr, il ne sera plus du tout question de révolution culturelle. Jean-Luc Domnac parle d'au moins 1 million de morts concernant cette révolution. Et on trouve dans l'ouvrage « La dernière révolution de Mao, histoire de la révolution culturelle », 100 millions de personnes ont été affectées par la révolution culturelle, incluant les survivants estropiés à vie comme les familles dont l'existence a été simplement perturbée par les événements. Le nombre de victimes directes, tuées, suicidées, voire dévorées, puisque les cas de cannibalisme furent nombreux, serait 1 million. C'est donc bien le chiffre autour duquel semble tourner ce bilan terrible de la révolution culturelle chinoise. Bonjour Serge Bramley. Bonjour. Je crois que la dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, nous avons parlé de la révolution de Jérôme Savonarole à Florence. Décidément, nous sommes ensemble abonnés aux révolutions d'enfants. Dans un instant, nous revenons ensemble sur un certain nombre d'aspects que j'ai été obligé de passer sous silence. Et puis nous parlerons plus généralement de la vie et de la personnalité de Mao Zedong. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête. Mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Jacques Dutronc, un extrait de son titre « Et moi, et moi, et moi ». Nous parlons dans Au cœur de l'histoire cet après-midi de la révolution culturelle en Chine avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Serge Bramley, écrivain, auteur notamment du Voyage de Shanghai aux éditions Le Livre de Poche. Serge Bramley, il est toujours très difficile de tirer un bilan de ce genre d'événement, surtout lorsqu'on est en Chine, qu'on est sous Mao. On dit qu'il y a eu 1 million de victimes directes, mais il y a eu beaucoup de victimes indirectes hein, de cette. Quand vous parlez avec des gens en Chine, que ce soit à Pékin, à Shanghai ou même dans les campagnes, il y a très peu de gens qui n'ont pas une histoire personnelle douloureuse à raconter. Alors, ça peut être anecdotique, à savoir le déplacement à la campagne, mais dans la campagne, ça voulait dire pour les enfants, des amis de ma génération, pas de chaussures, pas à manger, absolument rien, un dénuement total, mais on s'en sortit indemne. En revanche, on vous parle sans arrêt aussi de parents, de grands-parents qui ont été battus à mort, qu'on a poussés dans les escaliers et qui ont fait une mauvaise chute. Je dis cet exemple-là parce que dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'indemnité. Évidemment. Il y a eu des indemnités parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'après le procès de la Bande des Quatre, il y a eu une réhabilitation. Il faut préciser qui est la Bande des Quatre, donc, hein, c'est autour de Madame Mao, essentiellement, voilà. Qu'on a accusé, non pas d'avoir mené cette révolution, mais principalement d'avoir déformé la pensée de Mao Tse-Tung. Ce qui arrangeait tout le monde. Ce qui arrangeait tout le monde, parce qu'il n'était pas question de toucher à Mao. Ça a quand même été décrété par le gouvernement catastrophe nationale. Ces années de la révolution culturelle qui en fait ne s'arrêtent vraiment qu'à la mort de Mao, c'est-à-dire quand les gens ont pu retourner chez eux. La plupart des biens avaient été déjà détruits, disparus, les appartements dont on avait été spoliés, on ne les a pas récupérés. Il y a eu des compensations extrêmement faibles, vous vous en doutez, et ça continue encore, hein, le processus. Il y a encore des gens qui demandent réparation, mais Mao, lui, s'en est sorti, si je puis dire. Et son image n'en a pas été affectée. Alors ça, toutes ces vilainies, si je puis dire, elles ont été provoquées par le phénomène révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous lancez dans la rue des jeunes gens fanatisés et que vous leur dites « Vous avez le droit, en quelque sorte, de vous venger des professeurs, des directeurs, de vos propres parents ou grands-parents, s'ils ont un côté bourgeois ou réactionnaire, évidemment, ça libère toutes les pulsions. » Mais il y a deux aspects qui sont plus politiques. Il y a d'abord la volonté de faire table rase avec tout un patrimoine chinois. Lorsqu'on est passionné de patrimoine culturel, de tradition, etc., cette révolution culturelle est une abomination. C'est oui une volonté non. de table rase. Oui et non. Le bilan est plus complexe que ça. D'abord, Mao qui attaque donc les vieilleries, la vieille culture, qui va mener une campagne anticonfucianiste, par exemple, se réfère quand même à un principe confucianiste eh oui. dès le départ, qui c'est est paradoxe. De régénérer la société. Donc c'est une vieille idée chinoise qu'on doit en permanence essayer, et c'est le devoir du philosophe, purger l'organisme en quelque sorte. Oui, l'organisme, puis l'esprit. Social, hein, l'esprit. Oui. L'esprit. Et ça a des conséquences très curieuses. C'est-à-dire que, vous savez, on peut le voir aujourd'hui encore dans la formulation officielle de toute inauguration. Que vous inauguriez aujourd'hui en Chine une crèche ou un plénium du parti, la phrase liturgique, si je puis dire, qui ouvre toujours tout discours, est toujours la même. Au nom de la philosophie du camarade Mao Tse-tung et de la théorie du camarade Deng Xiaoping. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Mao, c'est la pensée. C'est une pensée qui, comme vous l'avez dit, a séduit énormément de gens. Je veux dire, en France, oui, moi beaucoup, je me souviens bien sûr, que, effectivement, oui. en 68, ces idées de grand bouleversement touchaient la jeunesse d'une manière très forte. Et ça a été la même chose aux États-Unis, dans les révoltes universitaires, à Berkeley ou ailleurs. Il y avait cette pensée, et il y a par ailleurs, ce qu'on reconnaît aujourd'hui, une sorte d'incapacité maoïste à gérer une économie, et donc c'est Deng Xiaoping qui, lui, a repris les commandes économiques. Deng Xiaoping qui a une attitude très intéressante, qui est tout à fait chinoise, hein, qui est à peu près la même que celle de Mao à l'époque de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire demeurer en vie. Il a fait profil bas et... Laisser passer la tempête. Pour un Chinois, c'est une preuve d'intelligence. Et c'est Sun Tzu un peu là. Hein. Oui, et de même, pendant la Grande Marche, Mao ne s'est pas vraiment battu contre Chiang Kai-shek. Ce qu'il a essayé de faire pendant des années, et il y a eu énormément de morts parce qu'on le pourchassait avec à peu près 1 million de soldats, c'est de demeurer en vie. La longévité en Chine est une chose extrêmement importante et est un gage de légitimité. Vous savez, on raconte cette phrase, je ne sais plus, je crois que c'est Nixon, qui, essayant de faire un compliment à Mao Tse-tung... Et au moment du rapprochement en 72. Oui, lui avait dit, je ne sais pas si c'est pas Pompidou, mais enfin c'est un des deux. En somme, vous êtes le nouvel Alexandre le Grand. Et Mao Tse-tung s'était tourné assez vexé par le compliment vers l'un de ses proches. Il lui avait dit, mais Alexandre le Grand est mort oui. jeune. Et, oui. Et ça, c'est un défaut en Chine terrible. Oui. La légitimité qu'a donné Mao au gouvernement actuel, à tous les gouvernements chinois qui se sont succédés depuis, elle vient d'abord du fait qu'il soit maintenu au pouvoir aussi longtemps, qu'il ait vécu vieux, qu'il était capable de traverser le fleuve à la nage, le Yangtze à la nage, comme vous l'avez rappelé. Tout ça, c'est des signes qui rapprochent Mao de l'idée qu'on se fait de l'empereur. Mmh. En Chine, vous savez, on n'aime pas trop les changements. On aime les changements sous toutes sortes de formes, mais pas les changements dynastiques et pas les changements d'organisation. Mao s'est arrangé pour réincarner l'empereur. Alors ça s'est fait au prix de massacres épouvantables, ça s'est fait dans des bains de sang, les dommages collatéraux sont innombrables et pas seulement humains, mais la légitimité a été acquise à ce prix. C'est quand même vraiment, le moins qu'on puisse dire est que cette émission est truffée de paradoxes, hein, puisque Mao, en quelque sorte, s'impérialise en essayant de détruire ce qui pouvait rappeler, de façon en tout cas formelle, l'ancien empire. C'est quand même extraordinaire. Ce qu'on voit lorsqu'on étudie tous les traités politiques chinois, il y en a depuis la plus haute antiquité et il y en a à peu près autant qu'en Occident, c'est-à-dire qu'il y a des Montesquieu, il y a des Tocqueville, ça existe en Chine. Et il y en a eu à toutes les époques. Il y a eu toutes sortes de projets politiques qui ont été menés par ces philosophes, de théories, d'idées de gouvernement. Mais ce qu'on voit, c'est que pendant les 23 ou 25 siècles pendant lesquels tout ça est écrit, à aucun moment personne ne remet en cause le statut de l'empereur. Mmh. Il n'est pas question de changer ce système impérial parce que l'empereur a une fonction qui est quasiment magique, c'est l'intermédiaire avec le ciel. Vous savez, Mao en abuse dès le premier jour de la République chinoise. Il va prononcer la déclaration de la République depuis le balcon de l'empereur, sur la place Tiananmen, qui est la place donc du jour céleste, et on voit la continuité avec le temple du ciel et les prérogatives et les devoirs de l'empereur. Mais avec une dimension tout à fait nouvelle et très moderne, c'est que le nouvel empereur, en quelque sorte, n'est pas le chef de l'État. Mmh. D'ailleurs, Mao a fini par perdre la présidence de la République. C'est le chef du parti, en l'occurrence. Et cette révolution culturelle que je racontais tout à l'heure, elle est quand même née de la volonté de Mao de regagner le pouvoir, de reconquérir. Pouvoir. Mais vous avez, on a à peu près le même genre de rapport avec Poutine lorsqu'il n'a plus pu se représenter, puis finalement il a pu se représenter, mais il a toujours gardé le pouvoir. C'était un peu la même chose. Mais il y a ce double aspect, effectivement, de la conquête du pouvoir personnel et le culte de personnalité que ça a entraîné, etc. Mais en même temps, c'est là que c'est plus compliqué. Je veux dire, si on se place avec énormément de recul, parce qu'il faut oublier quand même tous les morts innombrables que ça a pu causer, avec énormément de recul, on voit aussi en quoi la philosophie de Mao a permis la prospérité de la Chine actuelle. Et ça, c'est quelque chose dont les Chinois sont conscients. Quand vous parlez avec... Mao est très populaire aujourd'hui en Chine. Très populaire. Il n'est pas contesté. On reconnaît son rôle, mais ça m'est arrivé, mon dernier voyage, il y a quelques mois à Pékin, de parler avec des gens qui sont plutôt dans la dissidence et qui se plaignaient du gouvernement actuel. Et quelqu'un a soupiré, ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau Mao. Donc, vous voyez que c'est pas aussi simple. Alors, j'ai posé la question à Manuel, qu'est-ce que serait dans ton idée un nouveau Mao? Et il me disait, c'est quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a une politique à long terme, pas un bureaucrate qui règle les affaires au jour le jour, mais quelqu'un qui ait de nouveau, pour la Chine, une vision. Alors, encore une fois, cette même personne, si vous lui posez la question, elle vous parlera de son grand-père et de son père qui ont subi les purges de la révolution culturelle. Elle vous parlera de la grande misère. Mais en Chine, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, nous, à admettre, nous, occidentaux. En Chine, on voit une chose très, très claire, permanente, et dont tout le monde, alors là, pour le coup, est conscient. C'est que aujourd'hui est bien meilleur qu'hier, et qu'aujourd'hui est encore moins bon que ce que sera demain. Et ça, cette dynamique de la croissance, de la voie vers ce qu'on appelle le petit bonheur en Chine, la petite prospérité, qui est le grand pas avant la grande harmonie, parce que ce sont des termes qui remontent en fait à l'époque du livre plus haute antiquité, je crois que c'est dans le livre des Odes, ce progrès sensible fait qu'il y a eu des sacrifices, il y a eu des erreurs innombrables, et ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais que dans l'ensemble, ça va dans la bonne direction. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever de la tête d'un Chinois. Je veux dire, il y a, même si vous évoquez Tiananmen, je veux dire qu'il reste encore dans toutes les mémoires et qui est un petit peu l'équivalent moderne, si je puis dire, d'une contestation étudiante, etc., qui a très mal tourné. Malgré ça, on vous dira quand même que depuis, les choses se sont améliorées. Enfin, elles ne s'améliorent pas assez vite, c'est tout ce qu'on lui reproche. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la révolution culturelle en Chine et de Mao, avec votre invité Serge Bramly, écrivain, auteur notamment du Voyage de Shanghai aux éditions Le Livre de Poche. C'est très intéressant, Serge Bramly, de voir avec vous à quel point cette pensée maoïste qu'on se figure ultra-révolutionnaire s'ancre en vérité dans de très vieilles traditions. Le petit livre rouge lui-même a quelque chose d'un peu confucianiste. Tout à fait. En Chine, lorsque vous écoutez, je sais pas, tous les discours quinquennaux qui annoncent les grands plans, la terminologie est toujours empruntée aux cinq grands classiques chinois. Parce que c'est ce qu'on comprend le mieux, parce que c'est des choses qui sont fédératrices, et que finalement, la langue elle-même chinoise est tellement imprégnée de cette culture que c'est très difficile de s'en débarrasser. Tout à l'heure, vous parliez des cinq vieilleries qu'il fallait abattre. Voilà, oui. Là encore, il faut voir d'où vient la Chine. Il faut voir. C'était les quatre d'ailleurs, non? Les quatre vieilleries. La bande dessin. Oui, voilà. Les quatre étant en Chine un chiffre particulier parce que quatre, ça se prononce comme le mot mort et que c'est un chiffre totalement néfaste. Donc quand vous dites quatre, je sais pas, il y a beaucoup d'immeubles où il n'y a pas de quatrième étage, par exemple, comme il n'y a pas de 13 aux États-Unis. Les quatre vieilleries, le programme était très vague, hein. Il y a eu beaucoup d'excès aussi à cause du flou des instructions, disons. Il y a eu pas mal de choses détruites, d'objets culturels, etc., beaucoup, pas les choses principales. Là, il y avait par exemple à fermer les portes de la cité interdite pour que les gardes rouges ne puissent pas y rentrer. Tout ce qui avait trait à l'empereur, par exemple, voilà, n'a pas été touché. On a beaucoup touché à la religion. beaucoup de temples bouddhistes ont disparu, mais ce dont on parle moins, les temples taoïstes, qui sont l'âme véritable de la Chine, le taoïsme est bien antérieur au bouddhisme, eux ont été convertis, je me souviens d'avoir vu il n'y a pas si longtemps, qui avaient été convertis en porcherie, et les cellules des moines étaient remplies d'auges et de choses comme ça pour les porcs. Bon, ça a été catastrophique. Mais en même temps, il faut voir ce qu'était la Chine, disons, juste avant l'arrivée de juste avant la République, juste avant 49. L'Europe avait drogué la Chine. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Imaginez que vous donniez, je ne sais pas moi, un cartel mexicain ou colombien la possibilité d'envahir l'Europe et d'imposer la cocaïne par la force. C'est ce qu'a fait l'Europe, l'Angleterre principalement en Chine, par la force pour imposer l'opium. La première mesure qu'a pris Mao, ça a été quand même de fermer toutes les fumeries, de déporter tous les pourvoyeurs et de rééduquer, avec la souplesse et la douceur que vous pouvez imaginer, les drogués. Mais en attendant, dans les 6 mois, ce problème qui durait depuis 3 siècles a été définitivement résolu. Mais il y a plus grave que ça, la position de la femme. La femme, avant Mao, la femme chinoise, après Mao, c'est plus la même. Ce qui est toujours choquant en Chine, c'est l'échelle à laquelle on fait les choses et l'autorité avec laquelle on les fait. Mais en imposant, par exemple, l'uniforme unique homme-femme, la coupe de cheveux unisexe homme-femme, le fait que les femmes et les hommes aient les mêmes emplois, les mêmes fonctions, que ce soit dans l'armée, dans l'industrie, à la campagne, etc. et tout. Mao a fait quelque chose pour la cause féministe dont il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Les femmes aujourd'hui sont toujours très reconnaissantes à Mao Tse-Tung quand même de les avoir libérées de leurs conditions, des pieds bandés, du silence dans lequel elles étaient cloîtrées, de leur impossibilité d'avoir une voix, des mariages forcés à 7-8 ans. Mao lui-même avait été marié de force, pas de force. Mais très tôt, hein, c'était très un mariage arrangé entre gros propriétaires agricoles, donc c'est une chose relativement banale. On a eu des exemples de ça aussi chez nous. Mais ça l'avait. Il avait été marié à 14 ans. Hein, mais un mariage qu'il n'a jamais consommé. Oui. Parce que, pour 14 ans, je pense qu'il pensait à autre chose. Ce qui n'a pas été toujours le cas, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça l'avait choqué et qu'il avait dit plus jamais ça. Et qu'effectivement, dans les vieilles coutumes, ça faisait partie des choses qu'il fallait réformer et dont les réformes, encore une fois, quels que soient les excès, et c'est pas, je ne veux pas excuser Mao Tse-Tung, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des bénéfices de tout ça. Et qu'au bout du compte, ces réformes forcées à marche accélérée, Totalement imposées, dont on voit toujours aujourd'hui les mêmes mouvements se répéter. Mais vous savez, le modèle de tout empereur chinois, c'est le premier empereur. Chine, le pays porte son nom. L'empereur Chine est quand même, on parle de l'Antiquité, c'est lui qui, un, a demandé à ce qu'on construise une muraille autour de l'Empire pour le clore. C'est une chose extravagante, parce que quand on voit la taille de la Chine, la taille de la dite muraille. Mais deux, c'est lui aussi qui a demandé à ce que tous les livres écrits avant lui soient brûlés, tous. Toujours cette idée-là. Que l'année commence avec l'année de son règne. Il serait le premier empereur, son fils serait le deuxième empereur, le temps commencerait avec lui. Mao ne fait pas une chose tellement différente. Encore une fois, c'est la violence et l'échelle à laquelle ça se produit qui... Et l'époque, avec les observateurs qui peuvent exister, hein, bien entendu. Mais la Chine, elle est médiévale, hein, mm-hmm. avant le... Alors, ce qui est étrange néanmoins, c'est que tout ça s'appuie sur une idéologie totalement exogène, mm-hmm. étrangère, qui est l'idéologie marxiste-léniniste, avec tous les termes empruntés à Lénine, etc. Ça m'a beaucoup intrigué. Si vous allez à Shanghai, par exemple, vous pouvez toujours voir le siège de la première réunion du parti qu'on visite, qui est devenu un lieu saint, pratiquement. Dans laquelle Mao, paraît-il d'ailleurs, n'a pas pratiquement pas pris la parole parce que c'était un tout jeune homme encore, mais bon, il a fait partie de la fondation. Le modèle était d'inspiration totalement soviétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça a commencé à Shanghai, dans le lieu où le capitalisme occidental était devenu non seulement frénétique, mais avait poussé à tous les excès. Que ce soit dans les concessions anglaises, ou que ce soit dans les concessions françaises, où la loi était entretenue par les bandes de voyous, par le marchand de drogue, par les gangsters de la banque verte, etc. et tout. Tous ces excès du capitalisme, c'était une sorte de Chicago puissance 10, Shanghai avant-guerre. Tous ces excès, capitalistes. On facilitait évidemment l'avènement. Il n'y avait pas d'autre solution. Oui, voilà, oui. La Chine elle-même n'avait pas d'idéologie capable de contrer ce capitalisme frénétique. Donc elle en a importé une qui venait de Russie. Mais très très vite, dès l'époque des Khrouchtchev, disons, Mao, peut-être même avant, Mao voit bien qu'il faut inventer un socialisme à la chinoise. Et c'est toujours une expression qu'on emploie aujourd'hui. Par exemple, on vous parlera d'une économie de marché socialiste ou à la chinoise, d'un capitalisme à la chinoise. Le communisme tel qu'il a fini par évoluer en Chine n'a rien à voir naturellement avec le marxisme-léninisme. La personnalité même de Mao, le culte de la personnalité dont il a fait l'objet, hein, j'ai parlé du grand timonier, etc. Ce petit livre rouge qui était diffusé donc à des millions et des millions d'exemplaires, pas seulement en Chine d'ailleurs, hein, puisqu'il a fait des adeptes. Je me souviens d'en avoir eu un. Oui, voilà, jusqu'en Occident. Tout ça dissimulait la véritable personnalité de Mao, qui était un personnage complexe. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, quand on a parlé de son mariage très précoce, que ça n'a pas toujours été comme ça. Il avait une vie sexuelle épanouie, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais probablement, vous savez, le Hunan dont il est originaire est une région alors très taoïste pour le coup, où il y a toutes sortes de choses qui traitent à la magie, à l'alchimie, etc., et à la sexualité comme une voie vers la longévité. C'est une tradition, encore une fois, je dirais impériale. Mao, paraît-il, faisait une énorme consommation de femmes, pour ne pas dire de jeunes filles. Il y avait des idées magiques de longévité derrière tout ça aussi. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce personnage de Mao Zedong est assez déconnecté dans l'imaginaire chinois de tous les crimes qu'il faut bien imputer à son régime, incontestablement? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'en sort malgré ça? Oui, si on compare à Staline ou à Hitler, pour donner d'autres grands... Mao était très contre la déstalinisation entreprise par Khrouchtchev. Oui, ça a été une des causes de la rupture avec l'URSS. Mao est un personnage extrêmement cynique, mais il y a ce côté qu'admire toujours les Chinois, visionnaire. Et aujourd'hui, effectivement, sa tête est toujours sur les billets de banque, sur les yuan. C'est une évidence qu'on ne conteste plus, qui n'est plus remise en question, et qui est effectivement... alors, il y a eu une sorte de jeu très habile du gouvernement d'imputer les fautes à son entourage, à sa femme, à la bande des quatre, à qui on veut. Toujours préserver l'empereur, en fait. Mais de toujours préserver l'empereur. Et ça reste aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne parle pas du culte qu'on lui voue. Il y a des fanatiques qui vont se recueillir quasiment sur le lieu de naissance. C'est pas ça dont je parle. Ce que je veux dire, c'est que dans le pays en général, Mao est l'exemple de la fierté retrouvée de la Chine, de la libération des puissances étrangères. Parce qu'encore une fois, personne n'a idée de ce qu'a pu être la mainmise des concessions sur la Chine. La guerre des boxers, c'est 60 millions de morts. Et il faut l'imputer quand même à l'Angleterre et à la France. Enfin, surtout à l'Angleterre. Le sac du palais d'été, quelque chose qui n'a jamais été digéré par les Chinois, parce qu'il a aussi une fonction religieuse, il a aussi une fonction mystique. Donc si vous voulez, Mao a délivré complètement, qui lui-même n'est pratiquement jamais sorti de Chine, a délivré la Chine de l'impérialisme, et ça les gens lui sont toujours gré. Merci beaucoup Serge Bramley. Votre voyage de Shanghai a été réédité il y a 2 ans au livre de poche, ou 3 ans. Je ne sais pas. Donc on peut le trouver toujours, en tout cas, le voyage de Shanghai. Je voulais citer de nouveau dans la collection Folio Documents les massacres de la révolution culturelle, des textes réunis par Song Yongyi, afin précisément de ne pas oublier que derrière Mao, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'horreurs. Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question d'Adeline sur les origines du passeport. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Adeline qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Adeline qui aimerait connaître les origines du passeport. Alors le mot d'abord peut-être. Pourquoi parle-t-on de passeport? C'est un terme qui apparaît à la fin du Moyen-Âge et il désigne un document qui permettait, une sorte de sauf-conduit qui permettait de passer les ports. Alors quand on dit port, là il faut pas du tout entendre port dans le sens naval, dans le sens maritime du terme. Les ports, ce sont les portes de villes fortifiées. On a ça d'ailleurs encore dans le nom de certaines villes. Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple, dans les Pyrénées. Attends, voilà l'origine du terme passeport. C'est donc ce qui permet de passer le contrôle, en quelque sorte. Alors, le terme ne date que du Moyen-Âge, mais le principe, lui, existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. En Perse, au 5e siècle, avant notre ère, le roi avait remis à un de ses serviteurs qui allait voyager une lettre demandant au gouverneur des autres provinces de le laisser passer sur leur territoire. Ce type de sauf-conduit, on en trouve énormément. Le premier passeport, au sens moderne du terme, il remonte au règne d'Henri V d'Angleterre, à l'époque de Jeanne d'Arc chez nous, hein, aux alentours de 1420. Là apparaît le premier passeport, c'est-à-dire un moyen pour les sujets du roi d'Angleterre de prouver qui ils étaient, d'où ils venaient à l'étranger. Alors, ces passeports, bien entendu, vont se développer au fil des siècles. Et puis, avec la multiplication des voyages, avec l'invention du chemin de fer, bien entendu, qui permet à chacun de se déplacer un peu partout, on va avoir tendance à alléger les formalités et les contrôles douaniers. Néanmoins, il faut tenir compte de tous les mouvements anarchistes, socialistes, etc., qui vont rendre méfiants les États d'Europe. Il faut tenir compte des migrations, toutes les populations ouvrières qui vont quitter notamment l'Europe de l'Est pour venir s'installer beaucoup plus à l'Ouest ou carrément partir pour les États-Unis. Tout ça va avoir tendance à rétablir un contrôle strict aux frontières, surtout à partir du début de la Première Guerre mondiale. C'est au début des années 1920 que la Société des Nations va avoir l'idée d'uniformiser le principe des passeports avec le format livret qu'on connaît, qui est en train de changer d'ailleurs. C'est en 1922 qu'est ainsi mis en place le passeport Nansen en faveur de nombreux réfugiés chassés de leur pays, notamment un certain nombre de Russes qui étaient chassés par les Soviétiques. Il y avait aussi eu le cas des Arméniens qui étaient chassés par les Turcs. Et il va falloir attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les travaux de l'ONU dans les années 60-70 pour aboutir au système normalisé, quasi uniformisé que nous connaissons aujourd'hui.